Je suis à la bassline. Ok. Tam, tam, tam. Ah, c'est cool. Oh, c'est cool. Et je vais slapper dessus. Mais je vais enregistrer ma loupe de basse et je vais enregistrer la guitare. Peut-être. Hein. J'essaie d'enrichir un peu les accords. Des choses comme ça. c'est en mode kizomba ou bachata. J'allais partir sur des gammes latino. Never be the woman. Never be the dude like this. I never tell you how beautiful you are. Te quito, te quiero. Dire que je suis enrhumé en ce moment, alors pour chanter c'est pas évident. On va la refaire avec un peu de reverb, c'est tout. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Never met a woman, never beat a dude like this. I never tell her how beautiful she are. chanson espagnole. À la flamenco. speed. Yeah.